Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins, Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi rendent hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux sur la planète. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes et le support des nombreux commanditaires permettent de croire que la 63e édition sera encore une fois à la hauteur des attentes de la population. Bravo à cette organisation qui atteint et maintient une notoriété aussi élevée qu'enviable partout à travers le monde. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur chef, Patrice Gagnon. C'est la chronique des Sabres de Roberval avec l'instructeur chef Patrice Gagnon. Les Sabres de Roberval au cours du week-end ont joué contre les Saguenay de Chicoutimi, défaite de 5-2. On en parle avec Patrice. Salut Patrice! Salut Danny! Effectivement, donc ça a été une défaite de 5-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Après deux périodes, c'était l'égalité 2-2. Et puis, à la sixième minute de jeu, en troisième période, ils ont pris les devants. C'est resté 3-2 jusqu'à 14 minutes en troisième période, où ce que les Saguenay étaient en avantage numérique. Donc, ils en ont profité pour mettre la partie à 4-2. Et puis, finalement, là, ils ont conclu 5-2 avec deux minutes à faire au cadre. OK. Donc, si on y allait avec les compteurs, il y a Vincent Bérubé qui a marqué un but. Il va bien, Vincent Bérubé, hein? Oui, ben, Vincent Bérubé, ben, c'est un jeune là, qui arrive cette année. Là, lui, c'est un jeune de 18 ans. OK. L'an passé, là, il avait joué midget 1 l'an passé, mais lui, il y a deux ans, il avait joué midget 2B. Là. Je ne sais pas pour quelle raison il avait joué midget 1 l'an passé, mais c'est un jeune qui a un bon début de saison. Oui, il travaille fort, puis une très bonne attitude, là, fait qu'on est content de ce qu'il nous donne jusqu'à maintenant, oui. OK, et l'autre but appartient à Vincent Villeneuve, qui a marqué également un but, donc c'était qu'un seul match au cours du week-end pour les Sabres de Roberval. En fin de semaine, maintenant, pour... Oui? Moi, excuse-moi, Danny, non, on a joué deux fois, là. OK. Dimanche, on a joué à Jonquière. OK, oui, défaite de 6-2, excuse-moi. Défaite de 6-2, excuse-moi, je viens de le revoir, là. Parle-moi de cette rencontre-là. Oui, ben c'est ça. Encore une fois, là, on a eu un bon départ parce qu'en première, c'était 1-1 après une période. Là, puis ensuite de ça, c'est en deuxième là, où ils ont pris les devants. Là, ils ont marqué 3 buts en deuxième, mais nous, juste un. Donc, c'était 4-2 après 2. Puis en troisième période, là, ils ont inscrit 2 autres filets. Là, ça s'est terminé 6-2. Écoute, la différence dans ce match-là, ça s'est joué là, sur les unités spéciales où ils ont profité là, de leurs 5 avantages numériques pour marquer 4 fois, tandis que nous autres, on a marqué une fois en 7 avantages numériques. Et c'est ça la différence, hein, les unités spéciales très, très importantes de cette rencontre-là. Brian, Lachance, un but, et l'autre but appartient à Thomas Tremblay. Du côté des Marquis, je vois Jérémy Girard, le frère de l'autre. Il est en tête des compteurs de la Ligue. Il demeure à Roberval. Je sais qu'il y avait une transaction l'an dernier. Comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé pour pas que Jérémy Girard aboutisse avec les Marquis? Bon, écoute, moi, Danny, j'étais pas avec la formation l'an passé, mais je pense que c'était suite à une mésentente là, entre lui et les entraîneurs qui a dû avoir une transaction l'an passé. OK. Donc, en fin de semaine, ça dit quoi pour les Sabres de Roberval? En fin de semaine, encore une fois, on va être face au même adversaire qu'en fin de semaine, sauf que c'est l'inverse, là. Samedi, on va être à la maison contre les Marquis et dimanche, on va se rendre là, à l'Arena Marina Rouge de Chicoutimi Nord pour affronter les Saguenay. OK. Le moral, comment il se trouve, le moral? Ça doit pas être facile, vous gagnez pas, ça doit pas être facile. Dans l'ensemble, comment ça se passe quand même? Ben, c'est comme je t'explique. expliquais l'autre fois, là, écoute, c'est sûr qu'on n'a pas gagné encore une fois, sauf que si on regarde les matchs, on a fait des bonnes performances, là, puis on est en progression, on fait des bonnes choses. C'est sûr que c'est normal qu'on a hâte d'en gagner une, là, puis les joueurs sont impatients de gagner, mais tu sais, je veux dire, dans chacune des rencontres, il y a peut-être une fois où ce que en troisième période, on avait un petit peu là, échappé le match contre Normandin 8-4, mais si on regarde nos autres matchs, là, on est dans les rencontres, on fait des bonnes choses, puis ça s'en vient bien parce que les gars, ils ont le moral, parce qu'ils savent où est-ce qu'on s'en va, puis ils suivent la philosophie, puis il n'y a pas de problème, là, les sables, là, ils vont s'améliorer. OK. Donc, Patrice, ça fait pas mal de tour pour cette semaine? Oui, c'est beau pour moi. On se rappelle, même pas la semaine prochaine, on rappelle que cette chronique est une commandite de la Caisse Desjardins, Dominique Duroy, et également du groupe Véro. Parfait.